Un ange sur la terre, chapitre 26. Rêve d'un millionnaire. Après avoir amené sa fille à Villamare et l'avoir installée dans la maison de son cousin pour y rétablir sa santé et avec l'agréable perspective de lui faire épouser l'intéressant Tiburcio, Don Roque pensa qu'il avait largement rempli ses obligations paternelles. Libre de soucis à cet égard, le millionnaire que son million et demi de piastres plaçait au premier rang parmi les notabilités de l'aristocratie financière, jugea que le moment était arrivé de satisfaire un désir qui le poursuivait depuis longtemps. À ce mot « notabilité », nous te voyons dresser les oreilles, ô cher lecteur des Batuecas, et t'étonner d'un mot qui n'a pas encore pénétré dans tes montagnes. Nous croyons donc nécessaire, pour ton instruction, de t'édifier à ce sujet. Notabilité est un mot composé de beaucoup de lettres, mais qui n'a pas beaucoup de sens. Il équivaut à un titre honorifique, à une dignité sans émolument. C'est une qualification creuse dont peut vous honorer la politesse d'un voisin ou d'un ami. Quant à l'aristocratie financière, c'est une invention toute moderne. Tu avais probablement naïvement cru jusqu'ici que l'aristocratie consistait dans la noblesse de race. Désabuse-toi, nous avons changé tout cela. Aujourd'hui, l'aristocratie a été coupée par morceaux et chacun s'en est attribué un tronçon. Les gens d'esprit ont pris la tête, les politiques ont pris les mains, les gens d'argent ont pris les pieds. Enfin, il n'est resté que le tronc à ses premiers possesseurs. Il y a donc plusieurs aristocraties. Il y a d'abord, et d'un, je compte, cher lecteur, et je ne te fais pas un conte fantastique à la manière d'Hoffmann. Il y a donc d'abord l'aristocratie de race, qu'on appelle le sang bleu. Ce sang a beaucoup dégénéré, et cette aristocratie, qui n'a conservé que le tronc, ne peut ni marcher ni agir. Mais elle est restée en possession du cœur, et elle le sent. Vient ensuite l'aristocratie du talent, et de deux. Celle-ci est maîtresse de la tête, elle pense, elle raisonne, elle est chauve. L'aristocratie de la politique, en possession des mains, et de trois. De la droite, elle tient l'épée, de la gauche la plume, et à l'aide de ces deux instruments irrésistibles, elle fait marcher tout le monde à son gré. Enfin, l'aristocratie de l'argent, et de quatre. Celle-ci s'est adjugée les pieds, elle marche d'un pas ferme et pesant, appuie sur le talon et écrase tout ce qui se trouve sur son passage. D'après la peinture que nous venons de t'en faire, tu peux voir, ô candide lecteur des Batuecas, que l'aristocratie est, de nos jours, une parure qui n'est pas exclusivement composée de perles fines ni de diamants d'une eau bien pure. Revenons maintenant au désir de notre millionnaire. Le désir qui tourmentait Don Roque était celui de frotter ses écus à l'écu de la noblesse et de fusionner, avec les vieux parchemins, ses jeunes lettres de change. Cette satisfaction, il l'avait refusée à sa fille et, dans son égoïsme, il voulait se l'accorder à lui-même. Don Roque n'avait pu fréquenter dans l'intimité la belle marquise de Alocaz sans qu'elle lui inspirât, nous ne dirons pas de l'amour, ce serait profaner ce mot que de l'appliquer au sentiment d'un tel homme, qui n'avait de sa vie jeté de tendres regards que sur les piastres fortes. Mais enfin, il n'avait pu résister à cette profonde séduction que produit la beauté surtout chez un homme qui n'est pas blasé sur la matière. À cette séduction, joignez-en une autre non moins puissante, celle de l'amour-propre et de la vanité dont il était abondamment pourvu. Puis, cette satisfaction de pouvoir dire, en parlant d'une femme aussi noble et aussi distinguée que la marquise, « C'est ma femme !» Il en aurait eu plein la bouche, comme lorsqu'en parlant de sa fortune, il disait « Mes millions !» Enfin, il cédait à cette influence magnétique, à cet aimant irrésistible qui attire un être inférieur vers un être supérieur. Influence qu'on voudrait en vain combattre, supériorité qu'on nie de bouche et qu'on subit de fait. Malgré sa confiance dans le pouvoir de l'argent et cette présomptueuse persuasion qu'un homme à la tête d'un million et demi de piastres pouvait se présenter en César, sans crainte de rencontrer de cruelles déceptions, notre Nabab éprouvait cependant quelque chose qu'il ne pouvait définir et qui bourdonnait à ses oreilles comme une mouche importune. Ce sentiment de défiance n'était certes pas fils de cette délicatesse inséparable d'un véritable amour, de cette délicatesse qui rend un roi timide, même devant une bergère. Non, c'était la conscience que le bruit des écus ne pouvait faire taire et qui, de sa voix grave, murmurait à l'oreille du millionnaire qu'entre la basse infériorité et la supériorité la plus élevée, il y avait un obstacle insurmontable. En homme sage et prudent, Don Roque avait mis en réserve certaines pièces d'artillerie qui devaient faire brèche dans la place assiégée si elle ne se rendait pas à la première sommation. « La marquise, s'était-il dit à lui-même, peut faire des difficultés. Les femmes sont si fantasques. Il faut nous réserver un moyen de forcer sa volonté. » Et, dans ce but, il avait inséré dans le contrat de prêt une clause portant que le traité serait résiliable chaque année à la volonté d'un des deux intéressés. Cette clause, qui mettait la marquise à sa discrétion, avait passé sans qu'elle y fît la moindre attention. « Soyez le bienvenu, Don Roque, » disait la marquise au millionnaire en le voyant un matin entrer dans son appartement. « Depuis quand êtes-vous arrivé ? Et la grimace, comment va la pauvre enfant ?»« Oh, beaucoup mieux à présent, » répondit le nabab. « Le climat de Cadix ne lui convenait pas. Je l'ai conduite à la campagne, et elle va maintenant à merveille. Elle s'y trouve bien, elle a des distractions. Il s'est rencontré là un de ses cousins. Et, ma foi, je crois que nous ne tarderons pas à manger des bonbons de la noce. Je m'en réjouis fort, et cela fera grand plaisir à Rennes, surtout si ce mariage convient à Lagrimas aussi bien qu'à vous-même. C'est un ange que cette chère enfant, mais elle est si délicate qu'il faut la traiter avec bien des précautions, Don Roque. Ainsi ferons-nous, vous pouvez en être certaine. Mais vous, marquise, comment va cette chère santé? Chaque jour plus belle. Vous êtes vraiment une œuvre de Romain? » La marquise ne put s'empêcher de sourire de cet étrange compliment, et surtout de l'air satisfait de lui-même qu'avait Don Roque en le débitant. Ce sourire moqueur et dédaigneux fut interprété de toute autre façon par le nabab, à qui il sembla un gracieux « Entrez !» répondu à un petit coup frappé à la porte. Jamais Don Roque n'avait été amoureux. Encore moins était-il capable de parler le langage élevé et délicat de l'amour pur et véritable. L'amour n'existe pas pour les gens qui ne le regardent que comme un passe-temps. Et malheureusement, c'est l'usage aujourd'hui. D'un verbe réciproque, on fait un verbe actif. C'est encore un bienfait du progrès. Jamais le millionnaire n'avait abordé les jardins de Cupidon. Il était aussi neuf qu'inhabile en matière de véritable amour, et pour débuter, il ne sut qu'invoquer son seul dieu, l'argent. « J'ai fait ma balance avant de quitter Cadix, » dit-il tout à coup, et comme pour poser de suite la question sous son véritable point de vue, « Savez-vous ce que je possède aujourd'hui, marquise ?» À cette brusque question, la marquise éprouva un sentiment de dégoût qu'elle dissimula cependant et affectant de sourire. « Comment voulez-vous que je le sache, Don Roque ?» répondit-elle. « 30 petits millions, ni plus ni moins !» La marquise, qui n'entendait rien aux affaires, avait tremblé à ce mot de balance. Le terme de son contrat avec Don Roque devait échoir sous peu de jours, et elle ne se trouvait pas en mesure de rembourser la somme qu'il lui avait prêtée. Aussi respira-t-elle et dit-elle au millionnaire d'un petit air protecteur fait pour l'encourager. « Je vous en fais mon sincère compliment. »« Croyez-vous, marquise ?» s'écria Don Roque, résolu à enfoncer la porte avant d'avoir frappé. « Croyez-vous que je puisse être un novio présentable ?»« Comment donc ? Mais fort présentable !» répondit la marquise en riant et sans croire la question sérieuse. « Et croyez-vous que je puisse trouver une novia ?» poursuivit-il avec un petit rire satisfait. « Jésus !» répondit la marquise, « tant que vous en voudrez !»« Je n'en veux qu'une seule, mais celle-là en vaut plusieurs autres ensemble. Un boccata de cardinale !» Le drôle parlait italien. « Roque de la Piedra, marquise, peut et doit viser haut. L'objet qui régnera sur mon cœur doit être la plus belle parmi les belles, la plus parfaite parmi les parfaites. Elle vous ressemblera enfin, marquise, vous qui valez votre pesant d'or. » Telle fut la surprise, ou plutôt la stupéfaction de la marquise à ces paroles, qu'elle demeura immobile, les yeux démesurément ouverts. Cette femme, qui avait d'ordinaire la repartie si prompte et si vive, resta muette devant cette incroyable conclusion. Eh, qu'en pensez-vous ? Ajouta Don Roque, enchanté de l'effet qu'il croyait avoir produit. Vous n'aviez pas lu ça dans vos livres, hein ? Tous les sentiments de dignité, d'orgueil, de délicatesse et de colère, contenus dans l'âme de la marquise, firent éruption comme un volcan et se traduisirent sur sa figure, qui s'éclaira de rouges lueurs comme un brasier ardent. « Je me suis exposée à cette infamie !» murmura-t-elle entre ses dents, serrées convulsivement. Don Roque n'avait ni assez de délicatesse pour attribuer à la pudeur d'une femme, surprise par une déclaration ainsi faite à brûle-pourpoint, le carmin qui couvrait les joues de la marquise, ni assez de tact pour deviner, ou même pour soupçonner, l'indignation qu'avait dû produire une semblable déclaration chez un être d'une nature aussi élevée. Aussi, dans son aveugle présomption, attribua-t-il ce trouble à une agréable surprise, et ajouta-t-il en se rengorgeant. « Cette personne et tout cela, et bien plus encore !» À la rougeur qui avait envahi le visage de la marquise, succéda tout à coup une pâleur livide qui lui donna l'aspect d'une de ces statues placées sur les monuments funèbres. « Vous ne répondez pas ?» dit Don Roque. Et voyant la marquise se redresser sans rien dire, « Je comprends, on veut faire des façons, on veut garder son quant à soi, mais patience, ces belles lèvres seront bientôt forcées de s'ouvrir pour prononcer le « oui » charmant, après lequel soupire un homme éperdument amoureux. « Ou le « non » répliqua d'un ton calme la marquise, enfin revenue de sa première émotion. « Comment non ? » dit Don Roque, en fronçant les sourcils sur ses gros yeux ébahis. La marquise ne répondit pas. « Comment non ? répéta le Crésus. Et pourquoi non? Le non suffit. Le pourquoi serait inutile, répliqua la marquise. Et moi je l'exige, dit Don Roque, du ton de la plus grossière insolence. Exigez votre argent, répondit la marquise. C'est la seule chose que vous ayez le droit d'exiger. Et c'est certainement ce que je ferai, répliqua le Richard d'un ton de colère concentrée. C'est bien, dit la marquise en faisant, d'un air calme, un geste d'assentiment. Don Roque prit son chapeau, mais il n'était pas arrivé à la porte que l'intérêt de l'homme d'argent, un moment éclipsé par le dépit du prétendant rebuté, reprit le dessus avec toute la violence du naturel et de l'habitude. Don Roque redevint le vieil homme. Il considéra que ce qu'il n'avait voulu présenter à la marquise que comme un épouvantail, c'est-à-dire la résiliation de son contrat, deviendrait une réalité si sa débitrice prenait la chose au sérieux. Il réfléchit que l'affaire était fort bonne pour lui, et qu'aux mêmes conditions, la marquise trouverait facilement de l'argent pour le rembourser. Non seulement Don Roque avait solidement et avantageusement placé son argent dans cette affaire, mais encore, par des motifs qu'on devinera peut-être et qui se rattachaient à la mort, ab intestate, de son compère Jeremias, le Crésus ne voulait pas qu'il fût question en rien de ces 30 000 piastres prêtés à la marquise. Le sentiment de l'amour-propre froissé dut donc céder aux intérêts de l'argent, et Don Roque, subitement transformé, revint s'asseoir en disant d'un petit ton protecteur à la marquise. « Allons, allons, belle dame, ne nous fâchons pas. Vous me refusez et je veux vous rendre le bien pour le mal. Je n'ai pas oublié que vous avez bien voulu accueillir ma fille dans votre maison. Qu'il ne soit donc plus question de rien et gardez mon argent. Je vous rends grâce de la faveur, mais je ne l'accepte pas, répondit la marquise d'un ton ferme et grave. Et pourquoi, señora? Demanda Don Roque, dont les yeux lançaient de nouveau des éclairs de colère. Señor Don Roque, répliqua fièrement la marquise, je ne suis pas accoutumée à rendre compte des motifs de mes actions. Je vous en supplie, marquise, ne me faites pas cet affront, insista l'avare en s'inclinant humblement, non devant la belle et noble figure de cette imposante grande dame, mais devant la crainte d'un préjudice à ses intérêts. Assez, señor Don Roque, répliqua la marquise, je regrette d'être obligée de vous dire que j'ai un rendez-vous auquel je ne puis manquer. Don Roque comprit qu'il n'y avait plus rien à faire et sortit furieux.